Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on va répondre à une question fondamentale. Mais qu'est-ce qu'ils font les oiseaux en été, bon sang? Est-ce qu'ils partent en vacances, par exemple? Et puis on va répondre à la question ensemble. Comment ça va, Sophie? Eh bien, ça va très très bien. Et alors, tu es en vacances du coup? Alors, moi non. Là, pour tout te dire, je suis en train de préparer une conférence sur les grues. Voilà, c'est super intéressant. J'ai appris plein de trucs. J'ai travaillé sur la migration. Et demain, on continuera notre travail sur les éoliennes. Parler un petit peu de l'impact que peuvent avoir les éoliennes sur les grues. Mm. Bien que ce ne soient pas les oiseaux les plus fortement impactés par. Par ces infrastructures. Infrastructures, exactement. J'imagine à cause peut-être de la hauteur des éoliennes par rapport à l'altitude à laquelle elles migrent. Absolument, c'est totalement ça. C'est plus des oiseaux de petite altitude. Bizarrement, l'oiseau le plus frappé par les éoliennes, c'est le roitelet à triple bandeau. Et j'aurais pas cru. Pensais que ça allait être un autre oiseau, un rapace ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est le roitelet à triple bandeau qui est le plus victime du rotor des éoliennes. Voilà. C'est terrible, ça. C'est terrible. Mais on va pas parler de ça. Il va peut-être y en avoir un petit lien. Puisque moi, je vais parler des oiseaux qui font quoi en été, du coup. Parce que c'est une question qui m'est souvent posée. Mm-hmm. Et toi, tu vas nous parler de quoi? Ben moi, je vais parler des réseaux sociaux. Tu vois, on aborde des tonnes de sujets différents dans ce podcast. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Et l'ornithologie, ça mène à tout. Chaque semaine, on découvre un nouveau pan. La semaine prochaine, rendez-vous pour parler électronique. Allez. Dans le monde des oiseaux. Et on en a déjà parlé, tu te souviens? C'est vrai. Buzz and Trill. C'est vrai, absolument. Les drones oiseaux. Absolument. C'était... Et justement, j'ai eu l'occasion de faire une publication sur ces fameux pigeons parce que la question est revenue sur les réseaux. Oh. À se dire, mais attendez, mais du coup, on ne voit jamais de jeunes pigeons. On en avait parlé dans cet épisode, effectivement, du Courrier de la Sterne. Puis j'aurais pu parler aussi d'un jeu vidéo qui a été développé grâce à un oiseau. Alors, c'est une histoire toute mignonne. C'est bien, on est en train de faire tout sauf l'épisode. Cette semaine, chers auditeurs, vous avez un petit feedback de tout ce qu'on a pu lire en plus. Voilà. Bah c'est ça, exactement, le Courrier de la Sterne, effectivement, il faut faire des choix à un moment donné. Hein. Et donc, il y a un développeur français qui s'appelle Kevin Silam, que je salue, et mm-hmm. qui développe un jeu qui s'appelle Linkito, qui est d'ailleurs sorti. Et la particularité de son jeu, c'est qu'elle parle en fait d'une infrastructure technologique nommée Albatros Tech. Et c'est un jeu de puzzle, donc il faut résoudre des puzzles à base de câbles et d'électricité. Et l'opposé d'Albatros Tech, qui sont donc les méchants Albatros Tech, ce sont un groupe qui s'appelle le groupe des colibris, je crois, qui n'est pas représenté par un colibri, mais qui est représenté par un oiseau, un moineau domestique, qui a été possédé par Kevin, qui l'a élevé et qui a eu l'occasion de vivre avec lui pendant 5 ans. C'était une femelle, voilà. Mmh. Donc... ça devait être une super expérience. Oui, ça devait être une super expérience. Bon, après, voilà, ça n'aurait pas forcément fait un épisode du Courrier de la Sterne, mais ça vous donne un petit peu un aperçu de ce qu'on pourrait... de ce qu'on aurait pu avoir comme petites infos. Et moi, ça me permet de gagner du temps, parce que mon sujet n'est pas très long aussi. T'es intéressé, en fait, c'est ça? Alors, exactement. Alors, pourquoi les oiseaux, ils ne sont pas présents en été? Est-ce que les oiseaux prennent l'autoroute pour partir à la plage? Est-ce que les oiseaux vont à la montagne? Est-ce que les oiseaux vont dans d'autres pays? Tant de questions que les gens se posent. Alors rassurez-vous, les oiseaux ne partent pas en vacances, pas encore, hein, ça s'appelle la migration, si on peut appeler ça les vacances. Si on veut, oui. Effectivement. Alors, concrètement, il y a beaucoup de choses qui expliquent le fait que les oiseaux soient assez silencieux pendant ces périodes estivales. La première des raisons, elle est assez simple, c'est qu'on s'occupe encore des petits. Voilà, encore des petits qui ont besoin d'être nourris. Il y a parfois ce qu'on appelle des pontes de remplacement qui sont réalisées lorsque la première ponte ne fonctionne pas, lorsqu'il y a un problème, lorsque il y a par exemple un prédateur qui s'est attaqué à cette ponte, lorsque la nourriture devient insuffisante. Eh bien, on met un terme justement, enfin on met, moi je ne suis pas un oiseau, mais les oiseaux mettent un terme à cette première nidification et vont réaliser un petit peu plus tard, quand les conditions seront favorables, eh bien, ce qu'on appelle une ponte de remplacement. Et cette ponte de remplacement, eh bien, elle peut être assez tardive, ce qui fait qu'au mois de juillet, au mois d'août, on a encore des jeunes eh bien, qui sont nourris par leurs parents. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de rester le plus silencieux possible lorsque vous nourrissez vos enfants, puisque sinon, bah, vous attirez les prédateurs. Et donc, eh bien, on a beaucoup moins eh bien, de chants et autres cris qui sont entendus dans la nature. Donc ça, c'est une première logique. Y a d'autres choses qui émanent, qui sont un petit peu en lien finalement avec ce qu'on a dit par rapport aux pontes de remplacement. C'est par rapport aux conditions climatiques, puisque les conditions climatiques peuvent faire échouer justement une première ponte, hein, s'il y a par exemple trop d'inondations ou autre. C'était le cas notamment en Angleterre, où on a eu des effondrements catastrophiques lorsque l'Angleterre a été frappée par des inondations terribles en 2013, je crois chez les martinets noirs, où vraiment on a eu des nidifications absolument lunaires. Et donc on a, par l'effet de la sécheresse, des oiseaux qui ont tendance à bouger beaucoup moins, à se déplacer beaucoup moins, à chanter beaucoup moins, en un mot, à beaucoup moins dépenser d'énergie. Et donc, eh bien, ces oiseaux sont beaucoup plus, calmes. Et puis, on a aussi la recherche de nourriture qui se fait ailleurs. On a des espèces, évidemment, qui restent en petits groupes, hein. Moi, j'ai un groupe de moineaux domestiques, par exemple, dans mon jardin. J'ai un groupe d'étourneaux qui est quelques quartiers plus loin. Mais on a aussi, eh bien, des oiseaux qui se déplacent de manière un petit peu plus solitaire. Et donc tout ça va participer aussi à faire en sorte que tout cela eh bien, devienne de plus en plus silencieux. Et puis, on a tendance à l'oublier, mais on a aussi des départs en migration en été. Début août et même mi-août, vous allez commencer à voir des espèces qui vont partir de migration. On a parlé du martinet noir dans un précédent épisode du Courrier de la Sterne, on vous invite à aller le voir, mais ça concerne également la pigrièche, qu'on a également évoqué, mais ça fait très longtemps dans le Courrier de la Sterne, c'est un des tout premiers épisodes qu'on avait évoqué, on avait fait un spécial pigrièche avec un monsieur de la LPO Héros qui s'appelle Denis Ray, et qu'on vous invite évidemment à aller écouter si jamais vous voulez en savoir plus sur cet oiseau qui empale ses proies, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Mais voilà, on a des oiseaux comme ça qui ont déjà entamé ce qu'on appelle la migration automnale ou la migration post-nuptiale, puisque c'est une migration qui a lieu après la période de reproduction et de nidification. C'est pour ça qu'on l'appelle post-nuptiale, et à l'inverse, la pré-nuptiale aura lieu avant cette période de nidification, et dans ce cas, on sera sur des périodes s'échelonnant entre février et avril, voire mai pour certaines espèces. Mais voilà, on a déjà des oiseaux qui commencent à partir, ça va s'accélérer au fur et à mesure du temps, martinet noir comme je l'ai précisé, on a aussi du rouge-queue à front blanc qui part un petit peu tôt, le coucou gris aussi qui est parti, d'ailleurs vous suivez le compte de la RSPB donc sur les réseaux sociaux, on va faire un pont justement avec les réseaux sociaux d'ici quelques instants, eh bien vous verrez que nos chers amis anglais suivent des coucous à la trace et s'amusent à faire des courses à qui atteindra l'Afrique le premier. Voilà, donc on vous invite à aller voir ça. On s'amuse effectivement comme on peut en tant qu'ornithologue. On est des vrais déconneurs, attention, moi, ça rigole pas. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a aussi des migrations qui commencent à se faire. Et puis, il y a un truc fondamental qu'on ne doit pas oublier, bien sûr. Bah, c'est le fait qu'on ait beaucoup moins d'espèces d'oiseaux. Je rappelle qu'en France, on a environ 30% des effectifs qui se sont effondrés en l'espace de 50 ans. C'est une chute qui continue à s'accélérer par plein de raisons qu'on évoque et qu'on a déjà évoquées dans le Courrier de la Sterne. Et donc, ça aussi, eh bien, ça participe au déclin, au fait qu'on n'ait plus justement de la possibilité d'entendre les oiseaux en été. Voilà un petit peu pour les quelques caractéristiques et les quelques explications sur pourquoi les oiseaux sont beaucoup moins présents, beaucoup plus silencieux. Alors on a encore des oiseaux qui chantent, hein. On peut avoir du rouge-gorge familier qui peut défendre son territoire. Moi j'ai les tourterelles et les pigeons qui s'en donnent à cœur joie là sur les toits de mes voisins d'en face. Donc voilà, on a encore des oiseaux qui chantent à cette période, mais c'est beaucoup moins fréquent, beaucoup moins présent. Et tous ces facteurs, plus d'autres qui sont un petit peu plus minoritaires, contribuent justement au fait que les oiseaux soient beaucoup moins présents en été. Eh ben, mais alors peut-être que je suis pas sûre de comment ça s'est passé les années précédentes, mais en tout cas moi cette année, pour cette période estivale, parce que j'étais en France donc en juillet, j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup plus d'oiseaux que d'habitude, comparé à l'année dernière par exemple. L'année dernière j'avais fait un peu moins d'observations, et cette année, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un sacré paquet d'oiseaux qui étaient, pourtant on a un jardin qui est pas si grand que ça non plus, là où je pars dans ma famille, et pourtant des observations de tas de bestioles, vraiment, tous les jours. Alors j'étais assez étonnée, et on entendait les chants d'oiseaux de partout, hein, ça s'arrêtait vraiment pas. Et c'est la première année depuis un moment que ça m'arrive, ce genre d'observation, j'en étais très heureuse. Je pense que les conditions climatiques doivent en partie expliquer le fait qu'on ait... un assez grand nombre d'oiseaux cette année. C'était déjà le cas l'année dernière, où on avait constaté que les conditions climatiques avaient été particulièrement favorables aux oiseaux, puisque on avait eu des températures qui étaient, on va dire, dans les normes de saison, ce qui avait permis justement, à ces animaux de pouvoir un petit peu plus avoir de nourriture, de disponibilité en nourriture et autres. Donc je pense que la météo a dû jouer un assez grand rôle là-dessus. Après, je t'avoue, je ne connais pas du tout le secteur. C'est Montpellier, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Donc, faudrait corroborer avec d'autres observations d'ornithologues de là-bas. Donc la LPO Héro, notamment. On revient du coup à notre épisode sur la pigrièche. Mais ça pourrait effectivement être une explication. Mais peut-être qu'effectivement, c'est aussi le constat qu'ont réalisé d'autres ornithologues dans cette année. Moi je constate pour ma part que dans mon parc il y a beaucoup moins d'activités que les années précédentes. Vraiment cette année je me balade en août, d'habitude je croise quelques spécimens assez intéressant, ça chante encore un petit peu. Là, c'est vraiment le silence, quoi. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Pourtant, le parc est pas spécialement plus touché que ça. Alors, il y a eu d'arbres qui ont été enlevés parce qu'ils sont touchés par une maladie, donc on est obligé, parce que c'est un parc public, eh bien d'enlever ces arbres, sinon ils vont tomber éventuellement sur des personnes. Donc on est obligé de se débarrasser de ces arbres. Mais en tout cas, le parc est géré de façon plus ou moins naturelle. Et cette année, franchement, c'est le néant. Vraiment, je ne sais pas expliquer ce qui se passe. Mais peut-être que ça reviendra l'année prochaine. Peut-être qu'en hiver, on aura des choses incroyables. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir des grives movis et des grives musiciennes par paquet de 12. Cette année, j'en ai eu 3-4. Et encore, je suis gentil. Donc voilà, c'est... C'est dépendant. Je ne saurais pas expliquer plus que ça les raisons de pourquoi sur une année ça fonctionne et une autre année ça fonctionne pas, alors que pourtant on est sur des conditions qui sont plutôt favorables cette année, quoi. Oui, et puis bon, cette année, je t'avoue, rien que les vautours, on avait un nombre de vautours dans la vallée cette année, c'est incroyable. J'ai pris des photos. J'ai vu et puis de tout, des aigles, des faucons, des bestioles, vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas fait de telles observations. Fantastique. Mais ça vient du Straits, je crois. Donc tous les rapaces qui remontent justement, qui passent donc en Espagne, qui ensuite remontent des Pyrénées, et certains qui croisent justement au-dessus de la Méditerranée. Donc faut voir s'il y a eu plus d'espèces qui ont été observées cette année par rapport aux années précédentes. Et puis, il y a peut-être des espèces qui sont plus passées, tout simplement parce que leur route migratoire, j'ai oublié le terme, je l'ai lu il y a à peine 3 heures, mais j'ai oublié le terme qui était le bon, était peut-être plus axé sur la Méditerranée, je ne sais pas. Bah là, je suis pas exactement sur Montpellier, je suis plus dans l'intérieur des terres, donc on est plus du côté du Larzac, si tu veux. Donc ça fait quand même une bonne heure de Montpellier, mine de rien. Mais d'habitude, on n'a vraiment pas ça. Donc oui, effectivement, peut-être que les voies de migration ont été un peu changées et chamboulées cette année, c'est possible. Ça, je ne saurais dire. Mais en tout cas, j'étais pas la seule à faire cette remarque, parce que je connais d'autres personnes dans la même région qui me disaient aussi à quel point ils étaient étonnés de voir la diversité cette année en espèces d'oiseaux. C'était quand même... C'était incroyable. Eh ben, écoute, super. Est-ce que toi, en Afrique du Sud, on te pose ces questions d'oiseaux qui disparaissent, justement, en période estivale? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de spécifique à l'Europe? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une question qu'on se pose qu'en Europe. Chez nous, on ne se la pose pas trop en Afrique du Sud, parce que en période estivale, on a quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oiseaux. C'est vraiment pas du tout le même type de climat, c'est vraiment pas du tout le même type de fonctionnement pour les espèces qui sont là. On a beaucoup d'espèces qui restent résidentes une bonne partie de l'année. Donc ça change pas grand-chose, en fait, qu'il fasse très chaud. Bon, quand il fait très chaud, évidemment, t'as moins d'espèces qui sont visibles, mais il en reste quand même un sacré paquet, parce qu'elles sont plus ou moins adaptées. On n'a pas ce même problème, on a vraiment des oiseaux qui sont habitués aux hautes températures, aux hautes chaleurs. Donc voilà. Et puis ici, c'est pas non plus le Sahara, on n'a pas non plus des températures qui sont énormes. Et il faut se souvenir que je n'habite pas dans le désert non plus. Voilà, donc c'est l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui reste tout à fait supportable au niveau des chaleurs. Tu n'es pas dans le Kalahari, je ne comprends pas. Ni dans le Sahara, ni dans le Kalahari. Ce n'est pas du tout là où j'habite, ni dans le Karoo d'ailleurs. Donc on est sur des températures qui restent très supportables en été, donc pas de soucis pour les espèces qui vivent ici. Sophie, oui. Nous allons désormais parler de réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être interrogée, c'est terrible ça. Réseaux sociaux, ça c'est intéressant ça. C'est... Les réseaux sociaux. Oui. D'autant que je vais avoir des choses intéressantes à dire, je pense. Ah mais j'espère enfin, bien. Enfin, des choses j'espère à dire, bien. Ça c'est sûr, intéressantes, on verra. Mais oui, les réseaux sociaux du coup, qui impactent la vie d'oiseaux. Et oui, et pas seulement les oiseaux d'ailleurs. Alors, bon, ça m'a frappé cette semaine parce que, bon, ça fait un petit moment que j'avais coupé un petit peu les réseaux parce que j'avais besoin d'une petite coupure, c'est des choses qui pour moi sont assez nécessaires parce que j'ai toujours un peu de mal avec les réseaux sociaux, mais bref, bon, pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis pas toujours très présente, parce que voilà, c'est pas trop mon truc. Et du coup, en regardant un petit peu les images qui défilaient sur Insta, sur Twitter, sur Facebook... Je me suis posé la question à un moment, mais toutes ces photos d'oiseaux, toutes ces images d'orchidées, tous ces superbes clichés, tous ces selfies, en fait, avec la nature en fond, est-ce qu'il n'y aurait pas un impact? Et en fait, ça a été le sujet d'une publication qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, qui est sortie dans Science Direct, qui s'appelle, et j'aime beaucoup le titre, c'est pour ça que je vous en parle, qui s'appelle « Liked to Death ». The impact of social media and photography on biodiversity. Donc, aimer à en mourir, ça veut dire. Les impacts des réseaux sociaux et de la photographie sur la biodiversité. Et le titre est vraiment parlant parce que c'est exactement ça, en fait. On dit souvent que les safaris photos, que le tourisme, que toutes ces choses-là, ça ne fait pas de mal à la biodiversité, au contraire de choses comme la chasse, par exemple. Qui a tout de suite une connotation très très négative, et bon, pour une bonne raison, on est d'accord. Mais est-ce que les safaris photos ou le tourisme, en règle générale, où il s'agit juste de prendre des photos, on n'attaque pas la biodiversité, hein, on va juste avec son appareil photo, on prend un petit selfie, voilà, il n'y a rien de méchant là-dedans, bah, est-ce que ça n'aurait pas un impact, en fait? Et cette publication est très intéressante parce que justement elle montre que oui, il y a un impact, et il n'y en a pas qu'un seul, et c'est pas des moindres. Alors, imaginez-vous, vous êtes un petit oiseau en Chine, vous êtes ce qu'on appelle un garulax de Courtois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le garulax de Courtois. Je sais, Florian, que toi tu connais les garulax, mais peut-être pas celui-là. Alors les garulax, je ne connais pas celui-ci. Tu connais pas celui-là. Eh ben, il va falloir que tu regardes parce que il a des couleurs absolument fantastiques. Il a une tête avec un masque noir. Le dessus de la tête est bleuté. Il va virer vers une sorte de vert, et ensuite du brun sur le dos. La gorge est d'un jaune pétant. Et le ventre est aussi bien jaune, avec les ailes et la queue qui sont dans les noirs bleus. Donc on est vraiment sur un oiseau avec des couleurs absolument fantastiques. On est sur un oiseau qui ressemble un peu à la maison, je trouve, de dos. Un petit peu, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Et bon. Peut-être un peu de jet aussi sur... Dans la sur forme la générale, face. Oui. Ouais, oui. Oui, sur la face. Et sur le bec surtout. Hein. Ouais. Absolument. C'est ça. Et donc, on est sur un petit oiseau qui est très, très mignon. Mais malheureusement, un petit oiseau qui est en voie d'extinction. Alors, comme de nombreuses espèces d'oiseaux avec des couleurs très vives, en fait, c'est un oiseau qui est un peu victime de son succès. C'est-à-dire que ça fait des photos superbes. Avoir ça en arrière-plan ou prendre une photo avec un petit oiseau avec plein de couleurs tout de suite sur les réseaux sociaux, ça fait quoi? Bah, ça fait des likes sous la photo, ça fait des gens qui viennent voir la vidéo ou la photo en question, et puis bah, ça fait de la renommée sur les réseaux sociaux. Donc ce qui va se passer, c'est que pour ce petit oiseau, comme pour plein d'autres espèces qui sont dans la nature et qui parfois ont du mal à survivre, et ben on va essayer de les rechercher activement pour pouvoir poster la photo qui va faire bien sur ces réseaux sociaux, qui pouvoir poser le cliché qui va nous rendre célèbres sur les réseaux sociaux et augmenter notre fanbase. Et le problème avec cette technique-là, c'est que bah, ce petit garulax, il en a un peu fait les frais. Alors déjà, il faut savoir que cet oiseau-là était, à cause de l'activité humaine, comme d'habitude, en danger critique d'extinction. Sauf que ça ne s'est pas amélioré, parce que à cause des réseaux sociaux et de notamment tous ces gens qui veulent prendre des superbes photos dans l'environnement naturel dans lequel évolue cet oiseau-là, et ben en fait on a destruction de son habitat. Alors destruction de son habitat comment? Bah déjà en s'y baladant, on finit par écraser des fleurs, des machins, des orchidées, des tas de trucs qui sont dans le coin, qui sont parfois des espèces protégées aussi, et qu'on détruit malheureusement sans le savoir, bon, sans compter tout ce qui est insectes, etc. Mais aussi, surtout, on va le déranger, l'animal. C'est-à-dire que ce sont souvent des animaux qui sont assez timides vis-à-vis de l'humain, et qui n'aiment pas trop qu'on s'approche de leur nid, qui n'aiment pas trop qu'on vienne les déranger pendant la journée, ou qu'on soit proche d'eux, tout simplement. Donc on va, simplement en allant se balader là où ils sont, et ben on va les déranger dans leurs habitudes alimentaires, donc c'est-à-dire qu'on va peut-être les empêcher d'aller attraper telle ou telle bestiole pour se nourrir, vu qu'on va les déranger à ce moment-là, ils vont s'envoler au lieu d'attraper la chose en question. On va les déranger dans leur processus de nidification, parce que bah on va faire un peu de bruit et ils vont abandonner la nichée, ou bien ils vont abandonner le site en question sur lequel ils avaient commencé à construire un nid, par exemple. Enfin bref, il y a plein de moyens où en fait, juste en étant là, juste en étant présent, juste en se baladant à côté, et ben même sans tenir l'oiseau lui-même, même sans le prendre, on va déranger l'oiseau et en fait on va réduire à néant en quelque sorte les efforts de préservation de ces populations parce que on n'encourage pas l'espèce à se reproduire, à continuer à prospérer et finalement à sortir de ce danger critique d'extinction dans lequel l'espèce est en ce moment. Et bon, en plus, cet oiseau et certains autres aussi sont des animaux qui sont capturés pour le marché des animaux de compagnie, hein, les NAC, qu'on connaît bien malheureusement. Et c'est des animaux qui vont être vendus sur les marchés, c'est des animaux qui vont aussi être utilisés pour faire des photos avec des touristes qui savent pas forcément d'où l'animal vient. Enfin bref, on est sur aussi des choses qui sont un petit peu du braconnage. Hein. Ça, faut pas l'oublier non plus. Donc en fait... cet article met en lumière en fait tous les moyens par lesquels nous, simplement en voulant prendre une superbe photo d'un oiseau dans la nature, et ben on a dérangé plein d'espèces en même temps, et puis bah on est bien en peine en fait de récupérer les problèmes qu'on a nous-mêmes semés sur ce site qui normalement est un site naturel. Et ça, c'est quelque chose dont souvent on se rend pas compte. Alors on voit des superbes photos passer sur les réseaux sociaux, on voit des selfies, on voit des machins, des oiseaux aux couleurs fantastiques. Mais en fait, on se rend pas compte que pour prendre cette photo, eh ben, y a plein de choses sur lesquelles on a été obligé de marcher, il y a plein de choses qu'on a certainement dérangées, il y a plein de conséquences à notre présence sur place. Mmh. Et cet article-là met vraiment bien en lumière. Tu as totalement raison. Et c'est beaucoup de choses dans l'éthique de l'ornithologie qui évolue depuis une dizaine d'années, je dirais. Il y a ce qu'on appelle les birding tours. Je ne sais pas si Sophie, tu as eu l'occasion d'en voir, parce que je sais qu'en Afrique du Sud, c'est pas mal organisé. Oui, il y en a beaucoup. Eh bien, les birding tours, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est en gros, vous payez pour aller sur un petit voyage d'une semaine dans un pays et votre objectif, bah, c'est d'aller voir des oiseaux. Ouais. le pire de ces birding tours, c'est les birding tours qui sont organisés en Antarctique. Parce qu'on a des birding tours qui sont organisés en Antarctique. Donc, il y a des bateaux qui sont affrétés, je crois que c'est depuis la ville d'Ushuaïa. Et ensuite, ces bateaux traversent justement tout le restant de l'océan Atlantique jusqu'à l'Antarctique pour justement que les gens puissent réaliser leurs photos de manchots. Ce qui est triste quand on y pense. Hein, c'est, Et il y a un truc aussi dans le monde de l'ornithologie qui s'appelle le Big Year, qui est en gros... Qui est en gros quelque chose d'assez simple, c'est un objectif d'observer le plus d'espèces possible. Et on a souvent des articles portés par des gens qui parlent justement des problèmes qui peuvent être que les oiseaux peuvent rencontrer et qui pourtant soutiennent ce genre de pratique en disant « Waouh, regardez cette personne, elle a observé 7500 oiseaux dans son année, voilà, c'est assez extraordinaire. » Sauf qu'en réalité, il y a énormément de problèmes là-dessus et notamment le fait que on soit pas aussi clean en termes de moyens de se déplacer, parce qu'il faut prendre l'avion, parce qu'il faut prendre le bateau, etc., etc. Donc c'est toujours des choses qui sont particulièrement coûteuses pour l'environnement, et c'est pour ça qu'il y a un site qui s'appelle lowcarbonbirding.net qui depuis justement une dizaine d'années essaye d'avoir une approche de l'ornithologie beaucoup plus climato-friendly, comme les appellent les Anglais, donc beaucoup plus en phase justement avec l'environnement, où on réduit le maximum ses émissions en prenant par exemple le vélo au lieu de prendre la voiture pour aller sur un site d'observation, en faisant attention à être bien loin de certaines zones d'observation pour éviter de déranger les oiseaux, tout ça. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites parce qu'il y a des vraies réflexions qui s'imposent. Et pour connaître certains photographes ornithologues français que je salue s'ils écoutent, et notamment des excellents photographes qui nous prennent des clichés absolument merveilleux, ces gens vont jusqu'à cacher les endroits où ils ont pris en photo l'oiseau pour éviter justement que d'autres personnes mal intentionnées se disent « Ah bah tiens, il y a une photo intéressante à aller faire là-bas », histoire, comme tu le disais, de récupérer quelques likes ou quelques retweets sur les réseaux. Exactement, et c'est bien que tu mentionnes ça, parce qu'effectivement, l'un des problèmes que les auteurs notaient dans l'article, c'est notamment, alors là c'est plus sur des oiseaux, c'est sur des orchidées cette fois-là, les photos d'orchidées, ce sont des choses qui sont très très en vogue sur les réseaux sociaux notamment, mais le problème c'est que les coins à orchidées, c'est comme les coins à champignons, et les gens en fait s'arrachent les noms de ces endroits-là pour y aller eux-mêmes et pour prendre la photo qu'ils vont poter sur les réseaux sociaux. Et en fait, on se rend compte que ces sites à orchidées, qui du coup, normalement, sont des endroits assez reculés, et ben ce sont des endroits qui sont très très très visités, et plus il y a de passages, plus il y a de destruction. Même si on fait attention, on finit toujours par détruire quelque chose, sans compter évidemment toute la pollution, avec tous les déchets qui sont laissés sur place, parce que des fois, il y a des gens qui sont pas très très soigneux. Exactement. Voilà. Et cette course au clic, elle va même prendre une dimension encore plus importante, parce que on a l'arrivée de l'intelligence artificielle, bon sang qu'elle progresse vite, parce que on a des vidéos maintenant d'oiseaux qui volent, et on pourrait se dire, ouais, ce sont des vidéos qui ont été réalisées par des personnes, tellement c'est bien fait. Moi, j'étais tombé sur une vidéo de Shima et Naga, donc orite à longue queue de l'archipel d'Hokkaido, c'est une sous-espèce. Vous savez, l'oiseau tout blanc là, qu'on appelle généralement Je sais plus comment il s'appelle, mais il a souvent un surnom que les gens aiment bien lui donner. Flocon de neige ou quelque chose comme ça, je crois, comme oiseau. L'oiseau flocon de neige. Les gens le reconnaîtront lorsqu'ils verront une photo. Ils feront: Ah oui, c'est cet Oui, c'est tout oiseau-là. fluffy, c'est tout mimi. Exactement. Et ben, on a une vidéo qui a circulé sur les réseaux. Et quand je l'ai regardée, parce que moi je connais un peu cette vidéo-là qui tourne en boucle, parce que c'est un peu toujours les mêmes vidéos qui tournent en boucle, j'ai fait. Attends, j'ai déjà vu cette vidéo et je crois pas en avoir déjà vu une comme ça. Donc je vais la re-regarder. Et honnêtement, si tu n'es pas un expert en oiseaux, tu peux très facilement te faire avoir, mais tu vois qu'il y a une modification du bec au fur et à mesure que l'oiseau progresse dans le plan. Mais c'est super difficile à voir parce que l'oiseau est, comment dire, prend toute la place et cette modification du bec, elle est très très très très lente à se faire. Et ça va être un véritable problème aussi parce que bah, les gens vont se mettre de plus en plus peut-être à employer de l'intelligence artificielle pour essayer d'avoir comment dire, des vues, des clics. On avait à l'époque, ma chère Sophie, des photos de jets bleus qui étaient multicolores. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ce genre de photos. Oui, j'en ai vu passer, Voilà, ouais. maintenant on va avoir encore beaucoup plus de travail parce que les intelligences artificielles commencent à être très très perfectionnées et c'est un vrai problème aussi parce que des fois pour expliquer aux gens de démêler le vrai du faux, mais c'est comme les vidéos qu'on voit sur TikTok. À un moment donné, j'ai failli faire un épisode du Courrier de l'Astern pour débunker un épisode, enfin débunker une vidéo que j'avais vue sur le bec en sabot du Nil. Qui est un oiseau aujourd'hui très connu, voilà, notamment par les jeunes, parce que c'est l'oiseau qu'on voit dans un des épisodes de Zelda, donc c'est un oiseau qui les a beaucoup marqués pour ça. C'est vrai. On avait des informations. Alors oui, cet oiseau, il mange ses petits, il n'en laisse qu'un seul pour vivre. Et j'ai fait, non, ça marche pas comme ça. Et ça, faut faire attention parce que on a de plus en plus de personnes qui justement jouent un petit peu le sensationnalisme, même dans le monde des oiseaux. Hein, il n'y a pas que en histoire, il n'y a pas que en politique, il n'y a pas que. Il y a aussi le domaine des oiseaux où justement on joue ce sensationnalisme-là. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir faire très très attention d'ici les prochaines années. D'autant plus que bah, l'enjeu est de protéger certaines espèces qui, comme on l'a vu avec le Garrulaxe de Courtois, sont des espèces qui peuvent être très très menacées. Et puis il y a le Garrulaxe homi. Je sais pas si tu connais cette espèce qui ressemble un peu au martin triste. Ah Tu sais, oui. avec l'œil blanc et une espèce de petite virgule qui part en arrière de comment dire de la tête de l'oiseau. Oh, mais il est C'est mignon un oiseau celui-là. qu'on voit Oui. très souvent en vidéo pour son chant, qui est tenu entre les mains de quelqu'un. Et c'est une de ces vidéos qui est souvent virale sur le net où justement on voit cet oiseau en train de chanter. Voilà. C'est vrai. Donc voilà. Mais on va terminer quand même pour une anecdote, pas sur les oiseaux, mais une anecdote quand même un peu drôle. Tu connais le quokka? Oui. Le quokka qui est donc ce petit mammifère. Alors je sais plus dans quelles îles on le trouve, mais le quokka, on fait beaucoup de selfies avec lui et autres. Oui, le Et les fameux. scientifiques, lors d'une étude, ont été extrêmement surpris de savoir que les quokkas qui étaient dérangés par les humains, avaient une vie bien meilleure que ceux qui ne l'étaient pas. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, c'est fou, hein? C'est Mais fou. c'est super. Mais oui, c'est D'accord. super. Donc comme quoi, on vous parle aussi de comment dire, de tout ce qui est impact négatif, mais pour certaines espèces, inexplicablement, ou plutôt explicablement, mais on n'a pas encore saisi toutes les explications. Eh bien, l'impact de l'espèce humaine peut être positif. Voilà. Eh ben c'est bien de le rappeler. C'est un Incroyable, hein? bon truc positif en ouverture. Incroyable. Ah. Bien, Bien Sophie, joué. sur cette positivité et ce grand Voilà. sourire que j'arbore, il est temps de nous quitter. Merci beaucoup. Est-ce que Ben tu peux merci à toi. rappeler où on te retrouve? Eh ben vous me retrouvez sur Twitter, @leplumeux, sur Instagram, pareil, et sur YouTube, à Entracte Science, avec Exactement. Julien. Et oh, Exactement. si tu Oui. me permets, j'avais Mais envie bien de faire sûr. une petite annonce cette fois-ci. D'habitude, j'en fais pas trop. Je t'ai partagé l'autre jour une petite vidéo de Nestflix, n'est-ce Exactement. pas? Et c'est une vidéo qui est disponible sur YouTube. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'une caméra que nous avons installée cette année avec mon groupe qui nous occupons notamment de la sauvegarde du vautour. Alors je pense que vous le connaissez tous, le fameux JPEG barbu, hein, ce vautour qui ressemble plus à un aigle qu'à un vautour. D'habitude on me dit ça, voilà. Nous avons cette année installé des caméras, notamment dans un nid de JPEG barbu en Afrique du Sud, et il a deux petits cette année qui sont visibles sur Netflix, donc sur YouTube. On vous mettra le lien de la chaîne YouTube en question dans les commentaires, enfin dans la description en dessous plutôt. Donc si vous voulez aller voir, écoutez, n'hésitez pas, à l'heure où cette vidéo ou ce podcast sera publié, peut-être que les petits seront déjà grands, mais voilà, ça pourra vous donner une petite idée de comment ça se passe dans un nid de jipaètes. Fantastique. En espérant que ça vous plaise. Est-ce qu'on connaît leur âge actuellement, à ces jipaètes ? Alors là, en ce moment, à l'heure où on parle, ils ont un peu moins d'une semaine. Ah oui ! Ils sont encore très loin de l'envol au moment où la vidéo, au moment où le podcast sera publié du coup. J'espère. Si on ne tarde pas trop. Voilà, n'hésitez pas donc à aller voir le premier épisode de Netflix. C'est comme quoi on vous dit que les ornithologues sont drôles. Les gens nous disent oui mais non, mais si. On s'amuse. Écoute, il faut bien s'amuser. Exactement. La vie exactement. Est trop triste pour la prendre au sérieux. Si justement cet épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas également à écouter les précédents épisodes du Courrier de la Sterne. Il y en a quelques-uns qu'on vous a mentionnés dans cet épisode, mais il y en a d'autres évidemment. Si vous voulez bien évidemment nous retrouver pour parler d'autres choses au niveau des oiseaux, on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur Apple Podcast, on est sur YouTube, et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter le Courrier de la Sterne. On vous en remercie. À la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à toutes. À plus. Thank you.